Chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une mariée qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait : Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. Les choses anciennes auront disparu. Alors, celui qui est assis sur le trône déclara : Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit : Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Et il ajouta : C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source de l'eau de la vie. Ceux qui auront remporté la victoire recevront de moi ce don, et je serai leur Dieu, et ils seront mes fils. En ce qui concerne les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie, les adorateurs d'idoles et tous les menteurs, leur place sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. L'un des sept anges qui tenait les sept coupes pleines des sept derniers fléaux vint me dire : Viens, et je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. L'esprit se saisit de moi, et l'ange me transporta au sommet d'une très haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, resplendissante de la gloire de Dieu. La ville brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et 12 anges gardaient les portes. Sur les portes étaient écrits les noms des 12 tribus du peuple d'Israël. Il y avait 3 portes de chaque côté, 3 à l'est, 3 au nord, 3 au sud et 3 à l'ouest. La muraille de la ville reposait sur 12 pierres, et sur ces pierres étaient écrits les noms des 12 apôtres de l'agneau. L'ange qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec son roseau, elle avait 2200 km de longueur, et elle était aussi large et haute que longue. L'ange mesura aussi la muraille qui avait 72 mètres de hauteur, selon la mesure ordinaire qu'il utilisait. La muraille était construite en jaspe, et la ville elle-même était d'or pur, aussi clair que du verre. Les pierres de fondation de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première pierre de fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième d'agate, la quatrième d'émeraude, la cinquième d'onyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième de turquoise et la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La rue de la ville était d'or pur, transparent comme du verre. Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pour temple le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau est sa lampe. Les peuples du monde marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leurs richesses. Les portes de la ville seront ouvertes pendant toute la journée. Elles ne seront jamais fermées, car là, il n'y aura pas de nuit. On y apportera la richesse et la grandeur des nations. Mais rien d'impur n'entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Seuls entreront ceux dont le nom est écrit dans le livre de la vie, le livre qui appartient à la